Chapitre 5. La maison de Garches. Dès lors, pendant le trajet jusqu'à la villa mystérieuse, personne ne parla. Zygomar et Thorntwick s'en sentaient incapables, tant ils grelottaient. Ils n'avaient ni l'un ni l'autre voulu de couverture. Dans cet état, il eût fallu les mettre par-dessus les effets mouillés, et ça n'eût pas amené la chaleur. Enfin, on arriva à la villa mystérieuse. Zygomar et Thorntwick, bientôt roulés dans d'épais peignoirs de laine, pelotonnés devant un bon feu, buvant une tisane bouillante, semblaient renaître. Les deux bandits aussitôt s'organisèrent pour passer le reste de la nuit, car ils avaient grand besoin de repos. Ils prièrent Miss Eden de se retirer dans sa chambre. Eux, ils trouveraient bien des lits et des divans pour attendre le jour, en dormant un peu. Pendant ce temps, non loin de la villa mystérieuse, stationnait une auto. Et dans cette auto se trouvait la belle Flore, qui put voir la voiture de Miss Eden rentrer dans la villa, sans toutefois deviner d'où elle venait. La belle Flore, en outre, aperçut dans l'auto de Miss Eden deux autres personnes. Mais elle ne put les reconnaître suffisamment de façon certaine. « Est-ce lui ?» se demanda-t-elle. « Ou Paulin Broquet ?» Elle voulait savoir absolument cela, et tenace, elle attendit là, à l'affût, que le jour arriva. Sa rage augmentait, sa haine redoublait contre cette femme, contre sa radieuse rivale. « Depuis plusieurs jours, il ne vient plus chez moi, » se disait-elle, « et c'est chez elle qu'il passe ses nuits. » Crispant les poings, elle ajoutait, « Ah, si je pouvais me venger, la faire souffrir dans ce qu'elle a de plus cher, me venger sur sa darling. » Quand le jour parut, la belle Flore, exténuée après une nuit de veille dans pareilles conditions, eut encore le loisir de voir sortir de la villa mystérieuse la limousine de Miss Eden. Cette fois, elle ne s'y trompa pas. Dans la voiture se trouvaient bien le prince Grigorisky et son ami le docteur Huger, car il existait encore pour elle. Jamais femme n'éprouva colère égale à celle de la belle Flore à cette vue. « Suis la voiture, » dit-elle à son chauffeur, et par la glace de devant, anxieuse, se promettant de faire une scène terrible à son infidèle amant, elle veillait à ce que le chauffeur ne perdît pas la piste de la voiture poursuivie. Dans cette anxiété, dans cette préoccupation, la belle Flore ne put voir que sa voiture à elle était également suivie par une troisième auto. L'homme qui tenait le volant de cette dernière voiture ne pouvait se laisser, lui, déjouer par les ruses de ceux qu'il suivait, car cet homme était ma pipe, et ma pipe conduisait son chef. Paulin Broquet ne demeura pas, comme pouvait le croire Zygomar, toute la nuit sur les bords de la Seine. Il mit des hommes de garde et lui rentra à Paris. Ayant examiné les débris de la péniche, il acquit la conviction que les aides et Zygomar avaient pu fuir. Paulin Broquet avait déjà constaté que la voiture de Miss Eden faisait une singulière manœuvre pour s'en aller et qu'elle se trouvait bien loin de l'endroit où Miss Eden l'avait laissée tout à l'heure. Il vint à l'endroit d'où à présent la voiture était partie, et sur la poussière de la route, il remarqua qu'outre les taches d'huile du moteur, se trouvaient deux traînées d'eau. Ces traces d'eau ne provenaient pas du radiateur, mais certainement de deux hommes, tout ruisselants, qui avaient pris place dans la voiture. Et Paulin Broquet, alors devinant, se mit à rire. « C'est cela, très adroit. Zygomar se fait enlever par Miss Eden. » Maintenant il savait où trouver Zygomar, et il prit le parti d'aller surveiller la villa mystérieuse. C'est ainsi qu'au jour il vit sortir la limousine de Miss Eden. Alors lui, faisant le cantonnier sur le bord du chemin, il put bien regarder dans la voiture et reconnaître au passage Zygomar et Thorntwick, à qui la belle Flore se mit à donner la chasse. Lui aussi, immédiatement, monta dans son auto et se précipita à la poursuite des deux autres voitures qui filaient à belle allure. Les autos s'engagèrent sur la côte de Suresnes, puis bifurquèrent, et la première ayant fait quelques détours, s'engagea carrément sur la route de Garches. La même voiture prit ensuite une voie transversale, pénétra sous bois, et finit par s'arrêter devant la porte d'une villa de jolie apparence. Thorntwick descendit de l'auto et alla sonner à la porte. Les aboiements de deux gros chiens répondirent. Pendant ce temps, Zygomar était à son tour descendu, mais avec difficulté, et s'appuyant au bras de son ami, il attendait à la porte. Zygomar, très pâle, semblait souffrant. « Sonne encore !» dit-il. « On est bien long à venir !» Comme Thorntwick allait mettre la main sur le bouton de sonnette, des cris joyeux retentirent, une voix de fille disait « Voilà, voilà, on vient !» Un bon vieillard apparaissait presque aussitôt, qui, reconnaissant les visiteurs, manifesta un respectueux étonnement. Derrière le vieillard, encadré par deux molosses, se montra une fillette, toute blonde, cheveux au vent, les yeux bleus grands ouverts, une merveille d'enfant, une caresse de printemps, un sourire du ciel. « Oh, vous !» s'écria-t-elle, tendant son front au visiteur. Un vieux paysan, qui à ce moment passa devant le chemin, tira son chapeau sans confier attention à lui. Mais lui, il tressaillit profondément, car ses yeux rencontrèrent les yeux de l'enfant, et au vol, pour ainsi dire, il attrapa un reflet de son sourire. « Oh ! » dit-il, « les yeux de Miss Eden, ses cheveux d'or chaud, son sourire, c'est Darling !» Paulin Broquet savait maintenant où l'on cachait Darling, où l'on gardait la fille de Miss Eden, qu'il avait promis de rendre à sa mère. Paulin Broquet se dit « Enfin, je sais, ouais, Darling, maintenant je vais pouvoir arrêter Zigomar. » Mais une autre personne, en même temps que lui, l'avait appris. Cette autre personne était la pire ennemie de Miss Eden, celle qui portait la joue la trace ineffaçable du coup de cravache. C'était la belle Flore. « Darling, » se dit la belle Flore, réprimant un cri de joie mauvaise, de triomphe infernal. « Darling, allons, je tiens ma vengeance. »